ne cueille pas l'amour comme on cueille un jour sur son chemin un bouquet de fleurs sauvages. On n'attrape pas l'amour comme on prend un jour dans ses filets un oiseau qu'on met en cage. Mais il m'a trouvé sur son chemin, celui que j'aime. Il m'a capturé comme un oiseau, celui que j'aime. Il m'a mis en cage dans ses mains, celui que j'aime. Chemin, celui que j'aime, il m'a capturé comme un oiseau, celui que j'aime, il m'a mis en cage dans sa main, celui que j'aime, et je l'aimerai toute ma vie. Chant de la mer dans le creux d'un coquillage. Et l'on pleure son amour comme on pleure au levant de l'hiver quand la barque fait naufrage. Mais il m'a gardé auprès de lui, celui que j'aime, car il m'a donné plus que la mer, celui que j'aime, car